Moya et sa famille. Loin au nord, derrière la mer Méditerranée, il y a un autre continent, l'Europe. En son centre se trouve la République tchèque. Là-bas, tout est différent. Le soleil ne brille que quand il en a envie. Oui, mais voilà, souvent, il n'en a pas du tout envie. Le ciel est par conséquent bleu, très foncé, et il pleut. Mais ça n'a rien à voir avec les douches tièdes qu'on reçoit sur la tête pendant la saison des pluies en Afrique. Il fait même parfois tellement froid que les gouttes de pluie gèlent avant même d'atteindre le sol. Du ciel tombent des flocons blancs qui s'entassent sur le sol et les enfants jouent avec. Les enfants de ce pays aiment aussi beaucoup aller au zoo. Qu'est-ce que le zoo? On l'appelle parfois parc ou jardin zoologique. Et c'est un endroit où vivent beaucoup d'animaux de diverses régions du monde. Les enfants peuvent les y voir de très près et découvrir à quel point ils sont beaux et souvent débrouillards aussi. Mais ce n'est pas tout. Certains de ces animaux ont dû quitter leur lieu d'habitation pour se réfugier au zoo. Soit parce que quelqu'un détruisait la forêt où ils habitaient, soit parce qu'on les chassait, soit parce que la rivière avait été polluée. Oui, mais de nombreux animaux ont besoin de beaucoup de chaleur pour vivre. Et nous parlons d'un pays où le soleil et les nuages n'en font qu'à leur tête. Pas étonnant alors qu'il y ait dans le zoo de nombreuses maisons et cabanes dans lesquelles les animaux peuvent se réfugier. L'une des plus grandes appartient aux gorilles des plaines. On l'appelle une maison des gorilles et elle dispose d'un grand enclos attenant. C'est là justement qu'habite notre petite Moya avec sa famille. Alors, allons vite lui rendre visite. Mais où donc est justement Moya? Ah, ça y est, je la vois. Assise dans l'herbe, elle en arrache de temps en temps un brin et le porte à sa bouche et le mâche d'un air pensif. Ce matin, papa m'a dit qu'il ne restait qu'un tout petit bout de temps avant mon premier anniversaire. Je vais sans doute être une grande gosse, pensait Moya. Et parce qu'elle n'en pouvait plus d'attendre ce grand événement, et que le temps lui paraissait s'étirer paresseusement au ralenti, elle décida de jouer au jeu de qui j'aime le plus. Maintenant, c'est papa que je préfère. Parce que c'est le plus fort et le plus gentil des papas gorilles du monde. Quand nous jouons ensemble, tous les deux, cela ne lui fait rien de perdre. Et même, je crois bien qu'il le fait parfois exprès. Comme hier, par exemple, quand nous nous sommes battus pour le bâton. Maman et Tata nous ont fait des fanas et nous encourageaient de leurs cris. Je tirais si fort que mes pieds glissaient. Je soufflais comme un vieux gorille. Mais je n'ai même pas réussi à faire bouger d'un pouce la grosse branche que papa ne tenait que d'une seule main. Mais papa s'est ensuite retourné pour saluer les pélicans qui eux aussi étaient venus nous voir. Et d'un coup, j'ai tiré la branche et papa de mon côté. Quelle explosion de joie! Tous criaient « Moya a gagné! Moya est la plus forte des gorilles !» Je me suis réjouie avec eux. Mais entre nous, je ne sais absolument pas comment j'ai réussi. Papa est pourtant 20 fois plus gros que moi. Et quelle force il a! C'est sûr, il m'a laissé gagner pour me faire plaisir. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir. Énormément! Moya souriait en repensant au tournoi mené contre son papa. Mais bientôt, elle arrêta le cours de ses pensées décontenancées. « J'aime aussi maman, évidemment, et beaucoup !» Chaque soir, avant que j'aille dormir, elle examine mon pelage et me fait un câlin. Après quoi, je peux me blottir dans ses bras et m'endormir. C'est extra. Mais quelquefois, Maman prépare une atroce soupe de pervenche et elle m'oblige à en manger. Bah, burk. Et quand j'en veux pas, elle dit toujours « Mange, Moya, c'est bon pour la croissance des os. Ça rend le poil soyeux et c'est bon pour que tes oreilles restent petites. » Oui, oui, je sais tout ça, mais je n'aime pas cette soupe quand même. Elle est tellement acide que mes oreilles en rétrécissent. Tata Shinda m'a dit un jour que si j'arrêtais de manger cette soupe, mes oreilles pousseraient jusqu'au toit de la maison des gorilles. Ça ne me plairait pas du tout, parce qu'un gorille avec de grandes oreilles n'est pas un vrai gorille. On dirait un chimpanzé. Quel dommage qu'il n'y ait pas d'autre remède à cela que cette soupe de pervenche. Mais de toute façon, j'ai trouvé un truc. Chaque fois que je ne finis pas cet horrible breuvage, je cours vite vers la paroi de verre de la maison des gorilles, où je peux me voir comme dans un miroir. Je prends la plus petite feuille de la première branche venue et je la compare avec mes deux oreilles. Jusqu'à maintenant, par bonheur, la feuille est toujours plus grande que mes oreilles. J'espère que ça restera comme ça. Moya regarda tout autour pour voir si par hasard de bonnes petites feuilles poussaient dans les environs. Elle en aperçut toute une touffe un peu plus loin. Elle réfléchit un moment pour savoir s'il valait la peine de se lever et de faire quelques pas. Finalement, elle décida que ça en valait certainement la peine, qu'elle pourrait se coucher là-bas aussi et avoir quantité de pissenlits directement sous la patte. Quand elle fut installée, elle se mit à penser à Tata Shinda. Tata Shinda se plaint sans arrêt d'être trop grosse. Mais je ne comprends pas pourquoi elle s'étonne, vu qu'elle avale tout ce qu'elle peut. Par exemple, au moment du goûter, papa, maman et moi, nous ne faisons que mordiller seulement les plus fines feuilles des petites branches d'arbres. Mais Tata avale toutes les feuilles, puis les petites branches, et finalement elle ronge même les grosses branches, et se met encore en colère sous prétexte que pour le goûter, il devrait y avoir aussi des fruits. Elle n'est satisfaite que quand elle reçoit toute une caisse de pommes pour elle toute seule. Elle s'assoit alors devant la caisse, jette en l'air une pomme après l'autre et les rattrape directement dans la bouche. Il n'en reste pas même le trognon. Moi, pour le goûter, il me suffit d'une seule pomme et je ne mange pas le trognon. Je joue avec et si nécessaire, je le garde pour Tata. Et c'est souvent nécessaire. Parce que Tata est très chippie. Elle me taquine toujours. Elle se moque de moi. Elle me fait tourner en bourrique. Quand je lui donne un trognon de pomme, elle me laisse un moment tranquille et moi j'ai le temps de m'enfuir et d'aller me cacher là où elle ne me trouvera pas. Je pense que Tata perturbe la bonne éducation que mes parents s'efforcent de me donner. Comme s'il ne suffisait pas que je gâche parfois moi-même leurs efforts. Si ça continue, je ne deviendrai jamais un vrai gorille. Voilà. J'aime papa et maman, plus que tout au monde. Mais Tata Shinda est tellement insupportable que même si je m'efforce toujours de l'aimer beaucoup, parfois je n'y arrive pas du tout. Moya se rendit compte qu'elle réfléchissait depuis bien longtemps déjà et qu'il ne faudrait pas qu'elle laisse passer l'heure de son anniversaire. Alors, elle se leva et courut vers la colline d'où l'on voit bien le soleil qui indique le temps. « Ce n'est que l'heure du petit déjeuner ?» s'étonna Moya. « Ah là là, je ne pourrai jamais tenir jusqu'à mon anniversaire. » Moya et la fourmi. Moya contemplait avec ravissement son gâteau d'anniversaire. Dommage qu'il ne soit permis de l'entamer que cet après-midi, quand tous célébreront ensemble son anniversaire. Elle se réjouissait plus que tout des morceaux d'ananas. Ceux-là, elle les garderait pour la fin. Elle mangerait d'abord les kiwis et un peu de gelée. Elle était aussi impatiente de savoir quel goût avaient les petites collines blanches qui décoraient le gâteau. Elle n'avait jamais rien mangé, ni même jamais rien vu de pareil. Est-ce que cela se mange seulement ? Pensa-t-elle. Et si c'était seulement pour décorer comme les bougies ? Mais ça ne brûle pas et ça ne fait pas de lumière. Alors, ça doit se manger. Et qui sait, c'est peut-être meilleur que les ananas ? La curiosité eut raison de Moya. Elle regarda autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voyait et délicatement, elle toucha une des petites montagnes blanches. C'était mou et un petit bout resta collé sur son doigt. Elle regarda de nouveau autour d'elle et porta son doigt à la bouche. Rien de spécial, pensa-t-elle. C'est alors qu'elle entendit. Tu m'en donnes à moi aussi ? C'était une petite voix très faible, mais elle fit cependant sursauter Moya, qui craignait que quelqu'un ne la prenne sur le fait. Elle ne fit pas un geste et chercha seulement des yeux l'endroit d'où venait la voix. Je suis là, juste devant toi, chuchota de nouveau la petite voix. Moya enleva son doigt de sa bouche, plissa les yeux et soudain, elle la vit. Au bord du plat où était posé le gâteau, il y avait une fourmi. Alors, je peux en avoir ? Demanda la fourmi en agitant ses antennes. S'il te plaît, la crème fouettée, c'est ce que je préfère. La crème fouettée ? S'étonna Moya. Oui, la crème fouettée, dit la fourmi. C'est ce truc blanc que tu viens justement de goûter. Ah ah ! Répondit Moya avec surprise. Bon, prends-en si tu aimes. La fourmi courut sur le gâteau et prit un tout petit peu de crème fouettée. Puis encore un tout petit peu. Et encore. Elle est fantastique ! S'exclama-t-elle. La crème fouettée est ce qu'il y a de plus délicieux au monde. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis, mais aussi ma maman et toutes mes sœurs. Comment se fait-il que tu ne saches pas cela ? Est-ce que les gorilles ne mangent pas de crème fouettée ? Moya haussa les épaules. Peut-être qu'ils en mangent, mais seulement de temps en temps. La première fois que j'en ai vu, c'est ici, sur mon gâteau d'anniversaire. Comment ? C'est ton anniversaire ? S'écria la fourmi. Je te demande pardon. Je mange ton gâteau et je t'ai même pas souhaité un bon anniversaire. Elle traversa rapidement le gâteau et vint s'installer sur la main de Moya. Chère Moya, joyeux anniversaire de ma part et de la part de ma maman et de toutes mes sœurs. Moya remercia et il lui vint une idée. Puisque vous aimez tous tellement la crème fouettée, tu n'as qu'à inviter ta maman et tes sœurs. Vraiment ? Demanda la fourmi incrédule. Ma maman ne sort jamais, mais mes sœurs viendront sans doute volontiers. Elle courut chez elle pendant que Moya se demandait, en regardant le gâteau, comment il était possible que la fourmi connaisse la crème fouettée et pas elle. Ne serait-ce pas parce que la fourmi était toute petite et pouvait se faufiler partout facilement ? Mais avant qu'elle n'eût le temps de faire le tour de la question, des milliers de fourmis commencèrent à défiler vers elle comme un petit ruisseau noir. Elle regarda, incrédule, ce ruban sans fin. Ce sont là toutes les sœurs de la fourmi ? Moya pensait qu'elle serait deux ou trois, peut-être 10, mais sûrement pas une telle ribambelle. La file des fourmis s'arrêta juste devant le gâteau. La fourmi qui avait déjà souhaité un bon anniversaire à Moya se tenait à la tête du défilé. Elle s'écria joyeusement. Et voilà ! Je te les ai amenés ! Ah ah ! Balbutia Moya abasourdie. Et ce sont toutes tes sœurs ? Bien sûr, dit la fourmi fièrement. Toute la fourmilière est une seule grande famille. J'ai 51 532 sœurs. Et elle commença aussitôt à diriger toutes les autres fourmis. D'un geste de son antenne gauche, elle les appelait l'une après l'autre pour que chacune souhaite un bon anniversaire à Moya. Et de son antenne droite, elle les envoyait goûter le gâteau. Moya remercia gentiment chacune des fourmis pour ses bons vœux, tout en observant avec angoisse, du coin de l'œil, la crème fouettée diminuer sur le gâteau. « Goûtez aussi la gelée et les kiwis » encouragea-t-elle les fourmis quand toute la crème fouettée eut disparu. Et le cœur gros, elle ajouta « Bien sûr, vous pouvez prendre aussi de l'ananas. » Les fourmis hochèrent la tête avec satisfaction. Le gâteau diminuait au fur et à mesure, mais Moya ne voyait toujours pas la fin de la file des fourmis. Elle se faisait lentement à l'idée de ne pas goûter à la gelée, ni aux kiwis, ni même, finalement, aux ananas. Mais qu'allaient dire ses parents ? Comment allait-elle leur expliquer ce qui était arrivé au gâteau ? Plus midi approchait, et plus elle se sentait découragée. « Si seulement le moment du déjeuner était retardé, » pensait-elle. Mais à cet instant, elle entendit. « Moya, à table !» Moya s'excusa auprès des fourmis, et d'un pas lent, elle alla déjeuner. Elle s'assit silencieusement et commença à manger sans conviction. Elle ne prenait pas du tout plaisir à son repas. Elle ne prêtait même pas vraiment attention à ce qu'elle mangeait. Pourquoi est-ce que tu pignoches comme ça, Moya ? Qu'est-ce qui t'arrive ? S'étonna Kijivu, sa maman. Moya marmonna vaguement. Rien. Elle est fatiguée pour l'instant. Mais tu vas voir comme elle retrouvera ses forces au moment du gâteau, assura papa Richard. Moya se recroquevilla sur elle-même. Elle aurait préféré avoir la taille d'une fourmi pour se cacher dans un petit trou minuscule. À la fin du repas, Kijivu se leva de façon solennelle. « Bien, et maintenant, j'apporte le gâteau d'anniversaire de Moya. »« Maman !» s'écria Moya en lui courant après. Elle la rattrapa quand Kijivu arriva devant le gâteau, ou plutôt devant ce qu'il en restait. Et ce n'était vraiment qu'un tout petit bout de rien du tout. « Moya !» cria Kijivu en colère. « Voilà pourquoi tu n'as pas déjeuné du tout. Tu as mangé tout le gâteau avant de passer à table. »« Maman !» commença Moya les larmes aux yeux. « S'il te plaît, ne te fâche pas, c'est... »« Tais-toi, Moya !» l'interrompit Kijivu, qui saisit le plat avec le reste du gâteau et poussa Moya devant elle, jusque vers les autres. « Regardez !» Quand Moya vit les regards étonnés et fâchés de Richard et Shinda, elle se reprit enfin. « Ce n'est pas moi qui l'ai mangé !»« Et qui donc ?» demanda Richard d'un ton sévère. Au bord des larmes, Moya raconta comment elle avait goûté un peu de crème fouettée, comment elle avait fait la connaissance d'une fourmi et quel défilé était venu lui souhaiter bon anniversaire. « Tu t'es bien laissé rattraper par les fourmis !» grommela Shinda. « Pas du tout ! C'est moi qui les ai invités !» se défendit Moya. « Tu es bien gentille, Moya. Mais tu ne t'attendais pas à avoir autant de nouveaux amis, n'est-ce pas ? Combien étaient-elles ? » demanda Richard avec amusement cette fois. « Je n'en sais rien. À peu près 50 000 », répondit Moya. Richard éclata de rire. « Eh bien, je crois que jamais Gorille n'a eu autant d'invités pour son anniversaire. » À ces mots, Kijivu aussi se mit à rire, puis Shinda et finalement même Moya. Ils rirent longtemps, et quand ils se calmèrent, Kijivu dit « Je crois qu'il est temps de finir le gâteau. » Elle n'avait pas plutôt fini de parler qu'à la vue du pauvre petit morceau de rien du tout. Tous s'éclatèrent de rire à nouveau. L'histoire du trou magique. Chaque soir, Papa Richard et Maman Kijivu se réunissent autour de la couche de Moya. D'abord, Maman vient faire un câlin. Elle aime quand Moya la gratte derrière les oreilles. En échange, elle la soulève par les jambes et la projette en l'air. Moya pousse alors toujours des cris de joie. Quand elle n'en peut plus, elle se pelotonne dans les bras de sa maman et c'est comme un signal secret pour son papa. Richard fait parfois semblant de ne pas voir ce signe secret. Mais aujourd'hui, il s'est rapproché et a assemblé de la paille sous ses fesses pour être assis plus confortablement. « Papa, tu vas me raconter quelque chose de rigolo ?» supplia Moya. Mais Papa Richard répondit. « Rien de rigolo cette fois-ci, mais quelque chose d'instructif. Tu es assez grande, Moya, pour que je te parle maintenant du trou magique. » « Par tous les gorilles, elle n'est pas encore si grande que ça !» s'écria Kijivu effaré. « mais si !» insista Richard. « Le temps s'est écoulé aussi vite que l'eau, et c'est justement le bon moment pour lui en parler. » Le regard plein de crainte de Kijivu passa successivement de Moya à Richard pour revenir de nouveau à Moya. Finalement, elle dit dans un soupir. « Bon, d'accord. Raconte-lui. » Et une larme coula sur son visage parce que d'un seul coup, elle voyait que Moya était en effet devenue une grande gosse. « Bon, » commença Richard. « Je vais donc te raconter... l'histoire du trou magique. Et ce sera une longue histoire ? Ce sera une histoire ni longue ni courte, marmonna Richard. Elle sera juste comme il faut, et ne m'interromps plus. Moya, satisfaite, fit claquer sa langue, ferma les yeux et ouvrit bien grand ses petites oreilles de gorille pour que l'histoire s'y glisse toute seule. Alors, recommença Papa Richard en reprenant au tout début. Il était une fois, quelque part, seuls quelques très vieux gorilles savent encore où exactement, et cachaient le trou magique. Chaque jeune gorille doit un jour y pénétrer. Et c'est le moment le plus important dans la vie d'un gorille. Car c'est au travers du trou magique qu'on peut faire appel au grand gorille qui peut exaucer n'importe quel vœu de petit gorille, si ce dernier le mérite. Et comment peut-il le mériter ? Demanda Moya. Il ne doit jamais, jamais rien faire de méchant qui rendrait quelqu'un malheureux. Mais surtout, et c'est de tout le plus important, il ne doit jamais faire de mal à personne. Une fois, une petite fille gorille du nom de Saba essaya de tromper le grand gorille. Le trou magique s'ouvrit. Elle y murmura son vœu, mais aussitôt le trou magique se mit à s'ouvrir de plus en plus. Le sol se déroba sous les pieds de Saba et elle tomba dans le trou. Le grand gorille s'était fâché parce qu'il savait combien Saba avait fait de mal à son petit frère. Cela avait été un événement terrible. Saba avait été tellement jalouse quand son petit frère était né que, dans un moment où personne ne faisait attention, elle s'était glissée jusqu'à lui et lui avait arraché 3 doigts en les mordant. Voici pourquoi le grand gorille ordonna au trou magique d'engloutir Saba. Et ce qu'il avait ordonné, le trou l'accomplit. « Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite à cette petite fille jalouse ? Chuchota Moya. Personne ne le sait. Certains assurent qu'elle erre dans le trou magique aujourd'hui encore. D'autres encore disent que le grand gorille lui a pardonné parce que Saba a promis d'être gentille dorénavant et qu'il a fait d'elle une fée gorille. Moya ouvrit de grands yeux. Il existe des fées gorilles ? Je n'en ai jamais rencontré, mais qui sait ? Dit Richard en haussant les épaules. Et avant que Moya ait le temps de lui demander autre chose, il s'endormit. Un grand remue-ménage. Un beau matin, la maison des gorilles se transforma en ruche. Maman faisait le ménage, papa se répétait sans cesse quelque chose et inspectait un endroit après l'autre. Même Tata Shinda s'était levée plus tôt que d'habitude. Maintenant, elle était assise à compter sa ration de pommes du petit-déjeuner, mais sans en manger une seule. Étrange. Moya était assise non loin. Elle observait tout le monde et se cassait la tête pour comprendre. « Que se passe-t-il aujourd'hui ici ?» demanda-t-elle à papa Richard. Celui-ci lui jeta un bref coup d'œil et répondit. « Ce n'est pas le moment idéal pour des explications, Moya. Attends que Kamba soit arrivé. » Et il s'en alla aussitôt un peu plus loin en courant. « Quel Kamba ? Qui cela peut-il être ?» s'étonna Moya. Avant qu'elle ait eu le temps de demander plus, papa Richard appela bien fort. « Elle est là ! Tous par ici !» Et Kijivu courut vers lui avec Shinda. Par mesure de sécurité, Moya se mit à l'abri dans la paille. Elle s'y enfonça profondément et se couvrit encore d'un morceau d'écorce. C'est seulement en y regardant de très très près qu'on aurait pu trouver un petit trou et voir au travers un petit œil de gorille. « Moya, où es-tu ? Ta grand-mère est arrivée !» dit Kijivu en cherchant Moya dès qu'elle eut salué Kamba. Mais pas de Moya, nulle part. Cependant, Shinda faisait visiter la maison des gorilles à Kamba. Elle lui montrait où trouver de la nourriture ou des suppléments, et quel était l'endroit où elle dormirait. Richard, lui, l'emmena vers le rocher et les arbres sur lesquels il pouvait grimper. Dans le filet, il lui montra la force de ses muscles et Kamba fit claquer sa langue élogieusement. Bientôt, elle se rendit compte qu'il manquait encore quelqu'un et elle demanda. Vous aviez dit que vous aviez besoin d'une grand-mère pour un petit bout de chou. Mais je n'en vois aucun ici. » Richard n'eut soudain plus personne à qui montrer son morceau de bravoure sous la poutre. Il sait s'y tenir sur une seule main, tout en faisant tourner son corps puissant. Et en colère, il pesta. « Où est cette coquine ? Je vais l'écraser comme un serpent !» Et tous se mirent à chercher Moya. Papa pour l'écraser, et maman et Shinda pour la trouver avant que Richard ne l'attrape. Kamba, qui au cours de sa longue vie de gorille avait déjà vu toute une foule de petits gorilles, s'approcha presque sans hésitation du tas de paille qui frissonnait étrangement et demanda doucement. « Tu ne viens pas m'accueillir ?» Sous la paille, Moya trembla de plus belle. Elle était découverte. La voix au-dessus d'elle résonnait pourtant avec douceur. Elle pesa un moment le pour et le contre, puis écarta la paille et se glissa lentement dehors. Tu es ma grand-mère ? Demanda-t-elle prudemment. Et quand Kamba, au lieu de répondre, sourit gentiment, Moya commença à lui faire ses excuses. « Je ne pouvais pas savoir, je suis encore petite et personne ne me dit jamais rien. Est-ce que je peux t'accueillir encore une fois ? demanda-t-elle avec précaution. Kamba lui fit un grand sourire et lui ouvrit ses bras. Moyal sauta au cou et la serra joyeusement dans ses bras en guise de bienvenue. Elles s'assirent ensuite ensemble et parlèrent de tout et de rien. Le soir, alors qu'elles étaient déjà allongées sur leur couche, Moya demanda « Grand-mère, est-ce que tu vas devoir repartir ?» Kamba regarda Moya d'un air sérieux. « Qu'est-ce que tu voudrais, toi, Moya ?» Et Moya de quémander « Que tu ne partes jamais !» Kamba sourit et lui donna un bisou, très doux. « Tu sais, je ne partirai pas. Maintenant, je suis avec vous, pour toujours. »« Avec nous ?» tressaillit d'enthousiasme Moya. Et avant de s'endormir, elle ajouta tout doucement, pour que personne n'entende. « Mais surtout avec moi, tu es ma grand-mère. » Les éléphants poltrons. Dehors, il avait neigé et il gelait. À la maison, plus rien ne parvenait à divertir Moya, et personne ne voulait jouer avec elle. « Qu'est-ce que je pourrais bien faire ?» pleurnichait-elle. Et il n'y a jamais loin d'un tel pleurnichement à une bêtise. Elle promena son regard dans toute la maison des gorilles jusqu'à ce qu'elle tombe sur Kamba qui sommeillait. « J'ai trouvé !» Elle s'approcha d'elle prudemment, inspira profondément et... « Ouah !» Elle fit sursauter Kamba qui poussa un cri et regarda tout autour d'elle, l'air complètement ébahi. Riait Moya. Mais quand elle vit à quel point Kamba avait eu peur, elle se rendit compte que cela n'avait sans doute pas été la meilleure des idées. « Moya, enfin ! Ça ne se fait pas de faire peur ainsi à quelqu'un. Ça peut même très mal finir !» la gronda Kamba, avant de continuer en souriant. « Pourtant, il y a des exceptions. Un jour, quand j'étais petite... « Oh oui, oui, raconte, grand-mère !» se réjouit Moya. « Raconte comment c'était dans la forêt !» Kamba tergiversa tout d'abord un peu, mais après un instant, elle se mit à raconter. « Il y a bien longtemps, je devais alors avoir le même âge que toi aujourd'hui. Des braconniers commencèrent à faire des ravages dans notre forêt. » Une petite fille gorille se fit prendre dans un de leurs pièges. Par chance, ses parents la trouvèrent à temps et la libérèrent. Mais elle eut encore longtemps mal à sa petite main. Quant à un petit garçon gorille d'une horde voisine, il disparut, lui, pour de bon. Aussi les adultes commencèrent-ils à réfléchir à la façon de se débarrasser des braconniers. Mais ils ne trouvaient rien. « Pour cela, même la force d'un gorille ne suffit pas !» dit finalement le chef de la horde. « Et qui est encore plus fort que nous ? Seuls les éléphants. Mais ils sont trop craintifs et poltrons. Vous souvenez-vous comment nos deux petits polissons, Akiba et Panga, leur firent peur en leur faisant « Ouah !» Les éléphants s'effrayèrent et en s'enfuyant, ils piétinèrent de délicieux gingembre et renversèrent les plus beaux des bananiers. Assurément, les éléphants ne nous sont d'aucune aide. Nous allons sans doute devoir déménager. Akiba et Panga, qui écoutaient derrière un arbre, tressaillirent à ces mots. Pouvaient-ils déménager maintenant qu'ils glissaient sur les meilleurs toboggans de toute l'Afrique? Ils commencèrent à comploter ce qu'il serait possible d'organiser contre les braconniers et le lendemain, tôt le matin, ils s'éclipsèrent tous les deux. Ils allèrent tout d'abord vérifier si les éléphants étaient, comme d'habitude, en train de se nourrir dans le marécage au bambou. Ils y étaient. Alors, on y va ? Murmura Panga. Akiba acquiesça. Il faut bien. Les deux petits garçons gorilles frappèrent leurs pommes l'une contre l'autre pour sceller leur accord et chacun partit de son côté. Panga se glissa furtivement vers les éléphants à l'autre bout du marécage au bambou. Akiba, lui, se dirigea directement vers les braconniers. Quand Akiba parvint au camp des braconniers, il se cacha et se reposa un instant. Puis il s'élança. D'un bond, il fut dans le camp. Et d'un autre, il atterrit sur le dos du chef des braconniers. D'un troisième bond, il renversa la marmite de soupe hors du feu. Et d'un quatrième, il fut hors du camp. « Quel singe insolent !» cria la moitié des braconniers. « Il vaut de l'or !» lança l'autre moitié. Et tous les braconniers empoignèrent filets et cordes, fusils et coupe-coupe, et s'élancèrent à la poursuite d'Akiba. Akiba courait aussi vite qu'il le pouvait vers le marécage au bambou, vers les éléphants et vers Panga. Il entendait les braconniers tout près derrière lui, mais il n'avait pas même le temps de se retourner. « Pourvu que ces vauriens ne m'attrapent pas !» Il courait à perdre haleine, les braconniers sur les talons. Mais par chance, il approchait le marécage. Déjà Panga, caché de l'autre côté, entendait le halètement des braconniers et le craquement des brindilles. Encore un instant. Panga prit son souffle et avec toute la force qu'il put, il cria pour effrayer les éléphants. Ouah ! Les éléphants prirent peur et ils s'enfuirent dans un barrissement général. Ils s'élancèrent loin de Panga, droit sur Akiba et les braconniers. La forêt n'avait jamais connu une telle pagaille. La terre tremblait et les arbres s'écroulaient. Après le passage des éléphants, seuls les arbres les plus vieux, les géants de la forêt, restèrent debout. Akiba grimpa à temps sur l'un de ces arbres immenses. Mais les braconniers ne savaient pas où se tourner. Et les éléphants arrivaient déjà sur eux. Ils déboulaient comme une inondation et aucune force au monde n'aurait pu les arrêter. Certains braconniers voulurent, comme Akiba, chercher refuge dans les arbres. Mais ils grimpaient trop lentement et maladroitement. Les autres firent demi-tour et détalèrent vers le camp. Mais un homme n'échappe pas à un éléphant fou de peur. Boum, boum et paf! Crac, crac! Aïe, aïe! Les éléphants jetaient à terre les bandits en fuite de leur trompe. Ils en attrapaient certains sur leur défense et en heurtaient d'autres de leurs corps énormes. Les braconniers furent bien heureux d'en sortir vivants. Ils s'éloignèrent de la forêt en titubant, ensanglantés et couverts de bleu, et ne revinrent plus jamais. Ouf ! Dit Moya dans un souffle. Elle avait eu peur et s'était demandé comment tout cela finirait. Qu'ils étaient malins, Akiba et Panga. Ce serait extra de les avoir pour camarades. Dit grand-mère. « Maman t'attend pour le dîner. Cours manger, puis faire examiner ton pelage et dormir. » L'interrompit Kamba. Et, pour la forme, elle la gronda encore un peu. « Et ne t'avise pas de me faire peur la prochaine fois que tu voudras que je te raconte une histoire. » Moya et le paon. « Maman ?» « Est-ce que je peux sortir ?» demanda Moya. « Oui, vas-y, mais pas pour longtemps. Ce sera bientôt l'heure du déjeuner. » Moya courut au soleil. Elle examina les arbres à grimper, écarta les roseaux afin de contrôler la surface du petit étang, puis déboucha sur la colline. Mais elle n'arriva pas jusqu'en haut. Qu'est-ce que c'est que ça ? Dans l'herbe, quelque chose de vert et bleu brillait. Moya s'arrêta et inclina la tête sur le côté. Ensuite, elle contourna cette chose brillante, verte et bleue. Elle était un peu cachée dans l'herbe, mais même ainsi, on pouvait voir qu'elle était très longue et entièrement plate. Moya s'en approcha et elle la toucha avec prudence du bout des doigts. Il ne se passa rien. La chose ne la mordit pas et ne bougea même pas. Moya s'enhardit et la sortit de l'herbe. Waouh ! Elle n'avait jamais rien vu d'aussi beau. C'était une longue plume d'oiseau avec un œil brillant au bout. Moya eut d'abord un peu peur de cet œil, mais bientôt, parce que ses mains tremblotaient à cause de cette petite peur, l'œil n'eut plus l'air de la regarder aussi fixement et la plume changea de couleur, comme si un arc-en-ciel la parcourait. « Il faut que j'aille montrer ça à tout le monde !» Moya courut à la maison. Devant la maison des gorilles, comme d'habitude, Tata Shinda ruminait des feuilles fraîches. « Regarde, Tata !» fit Moya en lui montrant avec enthousiasme la magnifique plume d'oiseau. Shinda leva les yeux et dit avec indifférence. « Une plume de paon !» Moya ne se laissa pas gâcher sa joie. « Maman !» Et elle courut à l'intérieur. « Comme c'est beau, Moya !» dit maman Kijivu, pleine d'admiration. « Et si on s'en servait pour décorer ici ?»« Allons donc !» dit papa Richard. « Les plumes de paon portent malheur. Et où l'as-tu trouvée au juste ?» Moya raconta en hâte où elle avait trouvé la plume de paon, puis sa maman et son papa l'examinèrent. Ce qui leur plaisait le plus, c'est qu'elle changeait de couleur. Et ils passèrent l'après-midi à jouer avec l'arc-en-ciel qui la parcourait. Depuis ce jour, la plume de paon fut le plus grand trésor de Moya. Elle la cacha avec soin près des roseaux, et dès qu'elle pouvait sortir, elle courait avant toute autre chose la regarder et jouer avec. Jusqu'au jour où la beauté de son trésor se ternit comme le ciel après le coucher du soleil. Ce jour-là, alors que Moya à quatre pattes sortait à reculons d'un buisson, elle leva la tête et fut éblouie par quelque chose d'encore bien plus somptueux. Incrédule, elle cligna des yeux. Puis elle réalisa que c'était toute une foule de plumes de paon. Et remarqua enfin l'oiseau qui portait ses plumes. Il avait une couronne sur la tête et il la regardait. Oh, un paon ! Dit-elle dans un souffle. Et sur le champ, elle salua avec courtoisie. Bonjour ! Bonjour ! Lui rendit le paon. « Tu es cette Moya dont on parle quelquefois ?»« Oui, » répondit Moya. « Mais que dit-on de moi ?»« On parle de toi, tout simplement. Tu es connue un peu comme une vedette. Pas autant que moi, bien sûr, mais un peu tout de même. Bien que je ne sache pas trop pourquoi. Sans doute parce que tu es encore une mioche. Quand tu auras grandi, tu n'intéresseras plus personne. Ça ne fait rien, déclara Moya d'un ton joyeux, mais quand elle vit l'expression de son nouvel ami, elle préféra ne rien ajouter. Comment cela ? Ça ne fait rien ? Tu veux donc être nul ? Se fâcha le paon. Prends exemple sur moi. Tous m'admirent. Je suis le plus beau, le plus intelligent, et le plus habile. Et Que dois-je faire pour n'être pas cette mule ? Demanda Moya. Nulle, pas mule ! Corrigea le pain. Ce que tu dois faire ? Bon, tu ne seras jamais belle comme moi. Plus intelligente non plus, puisque tu confonds une nulle avec une mule. Mais tu peux apprendre à chanter. Absolument tout le monde admire les chanteuses. Youpi ! Se réjouit Moya. Car le chant et la musique, c'est son truc. Pourquoi se lève-t-elle donc chaque matin avant tout le monde ? Justement pour entendre le chant des oiseaux. Mais immédiatement, elle s'attrista. Mais qui pourrait m'apprendre à chanter ? Qui d'autre que moi ? Se vanta le pain. Je suis non seulement de tous le plus beau, le plus intelligent et le plus habile, mais je suis aussi le meilleur des chanteurs. Oh ! Ce serait gentil, pain ! Merci beaucoup. Alors à demain matin, dit le pan, et fièrement il s'éloigna. Moya, tout à sa joie, courut à la maison. Elle a un nouveau copain, beau et intelligent, et en plus très gentil, puisqu'il allait lui apprendre à chanter. Le lendemain matin, Moya se réveilla bien plus tôt que d'habitude, car elle se réjouissait déjà du cours de chant que le pan allait lui donner. Mais elle eut beau attendre et attendre encore, le soleil montait dans le ciel et toujours pas de pan. Par tous les gorilles blancs, je vais rater le déjeuner, s'aperçut-elle quand son ventre commença à gargouiller. Et à la maison, je vais me faire disputer. Mais elle attendit encore et sa patience fut enfin récompensée. Je te salue, Moya, l'interpella le pan comme s'il n'avait pas une minute de retard. Mais, pan, commença Moya tout doucement. Je sais, l'interrompit le pan. J'ai dû donner quelques interviews. Tu sais, je ne suis pas maître de mon temps. Il commença de nouveau à lui raconter combien il était le plus beau, le plus intelligent et aussi le plus célèbre. Moya le regardait bouche bée. Quelle chance elle avait d'avoir rencontré le pan. Après seulement, commença le cours de chant. Alors Moya, tout d'abord les gammes. Moya ne savait pas ce que sont les gammes, mais elle comprit que le pan attendait qu'elle commence. Alors elle se lança. La, la la, la la la, la la la la. Eh bien, je vais avoir du travail avec toi, dit le pan, l'air mécontent, quand Moya eut fini de chanter. Bon, nous reprendrons demain ou bien après-demain. Nous avons déjà fini ? Demanda Moya déçue. Pourquoi ? Pan, ne pourrais-tu pas au moins me montrer comment chanter convenablement ces gammes ? Premièrement, Moya, je n'ai guère de temps. Deuxièmement, je ne vais tout de même pas entonner mon magnifique chant rien que pour toi. J'ai mes principes. Je ne chante que pour un large public ou pour un public de genre important. Si cela ne te plaît pas, rien ne me force à te donner des cours. Si, si, pain, répliqua Moya avec inquiétude. Je suis très heureuse que tu t'occupes de moi. Bon, alors à demain ou après-demain, répéta le pain et il s'envola. Dès lors, Moya attendit tous les jours le pan. Mais celui-ci, en tout et pour tout, venait à peine deux fois par semaine et il passait la plupart du temps à parler de lui. Moya ne jouait plus, pas même avec ses jouets préférés. Elle était triste et fatiguée. « Qu'arrive-t-il à notre Moya ? » demanda un soir Kijivu avec inquiétude. Elle avait remarqué que Moya s'était de nouveau endormie aussitôt le dîner fini, sans même demander d'histoire pour s'endormir. Est-ce que ce prétentieux de Pan n'y serait pas pour quelque chose ? Demanda Richard. Il se promène dans tout le zoo, fait comme s'il était le meilleur ami de Moya et raconte partout qu'il lui apprend à chanter et qu'ensemble, ils deviendront célèbres. Tout le monde commence à s'intéresser à lui à cause de cela. Mais n'aie pas peur, Kijivu, je vais arranger ça. Le lendemain, Moya eut de la chance. Après ne s'être longtemps pas présenté, le Pan vint de nouveau la voir. Il ne demanda même pas à Moya ce qu'elle avait fait, et comme à l'accoutumée, il commença à parler de lui. Moya en fut encore plus triste. « Mais, Pan, tu me l'as dit déjà plusieurs fois, » chuchota-t-elle timidement. « Cela, tu peux l'entendre 100 fois !» trancha le Pan. « Bon, d'accord. » Mais ne pourrais-tu pas seulement me montrer comment chanter convenablement ? Au moins cette gamme. Moya, veux-tu vraiment que je vienne te voir ? Siffla le Pan. À cet instant, les buissons s'ouvrirent et à côté du Pan apparut Richard qui se mit à gronder. Ça suffit comme ça ! Puisque tu racontes partout que tu apprends le chant à Moya, « Chante-nous quelque chose !» De frayeur, le Pan baissa la queue et tenta de s'enfuir. Mais Richard posa vite sa patte sur sa queue et le Pan tomba honteusement sur les fesses. « Chante ! À moins que ce public ne te suffise pas !» dit Richard d'un air menaçant. « Cra ira !» commença le Pan tout doucement. Mais après un coup d'œil à Richard, il préféra hausser la voix. « Ira, ra, ui, iou !» Son cri était vilain et dur. Le sang de Moya se figea dans ses veines. Voilà ce qui devait être le chant du meilleur des chanteurs ? Comment avait-elle pu tomber ainsi dans le panneau ? Finalement, le Pan se tut. Bien, et maintenant déguerpis, lui ordonna Richard. Le Pan disparut aussitôt dans les buissons. Et maintenant, viens avec moi, Moya. Avec maman, grand-mère et tata, nous t'apprendrons à chanter pour le plaisir. Il se dirigea vers la maison d'un pas si décidé que Moya eut peine à le suivre. Puis, au rythme de ses pas, il se mit à chanter de sa voix grave. « Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi. » L'histoire du gorille blanc. Kamba regarda Moya d'un air sérieux. Est-ce qu'il t'est arrivé de te demander pourquoi, quand nous sommes tristes ou que nous sommes dans l'embarras, nous jurons par tous les gorilles blancs ? Moya secoua la tête. En fait, moi non plus, je ne sais pas pourquoi nous invoquons plusieurs gorilles blancs, sourit Kamba. Je n'en ai jamais entendu parler que d'un seul. Ma maman le connaissait, et c'est elle qui m'a parlé de lui. Kamba se tut un instant, comme si elle voulait se souvenir avec précision du récit de sa maman. Puis elle se mit à raconter. C'était un gorille blanc qui s'appelait Jung. Dans son enfance, il avait eu la vie dure. Personne ne voulait jouer avec lui. On voit ton pelage de loin, lui disaient les autres enfants gorilles. Pas question de jouer avec toi. Tu vas attirer les panthères vers nous. Et ils le chassaient même quand ils étaient juste à côté de leurs parents, que toutes les panthères se gardaient bien d'approcher. Jung était impatient de grandir, pensant qu'alors son tourment prendrait fin. Mais quand il fut devenu grand, le chef de la bande l'appela et lui dit « Maintenant, tu es capable de te débrouiller tout seul. Aussi faut-il que tu partes. Tu es dangereux pour nous parce que tu es différent de nous. Aujourd'hui, tu pourras encore dormir avec nous, mais ce sera la dernière fois. » Le malheureux Jung ne parvint pas à s'endormir. Toute la nuit, il regarda fixement la lune et dès le petit jour, il partit. Jour après jour, il marcha à travers la plaine, s'éloignant de plus en plus de l'endroit où il était né et s'accoutumant petit à petit à sa vie de solitaire. Jamais cependant, il ne put s'y habituer complètement. Même s'il n'avait jamais vécu de moments heureux avec les autres gorilles, il se languissait pourtant toujours après leur compagnie. Bien du temps s'était écoulé quand un jour, parvenant à une magnifique forêt vierge, entre de hauts rochers et une rivière, il sentit une odeur connue. Des gorilles. Il y a des gorilles ici, se réjouit-il. Et il voulut s'élancer vers eux. Par chance, il se retint à temps. Allons donc, ils me chasseraient eux aussi et je ne survivrai pas une seconde fois à une telle peine. Il ne parvint pourtant pas à partir de cet endroit. Et pour pouvoir être proche des gorilles, il commença à vivre caché. Un jour, alors qu'il était en train de manger au milieu de hautes pousses de gingembre, il entendit les voix de petits garçons et de petites filles gorilles. Il voulut déguerpir, mais il était trop tard. Ils étaient déjà si proches qu'ils auraient pu l'apercevoir. Il se pressa contre le sol afin d'attendre qu'il soit passé. Mais les jeunes gorilles commencèrent à jouer à quelques pas de lui. « Il n'y a rien à faire. Je dois attendre encore, se dit-il. Ils vont bientôt se lasser du lieu et partiront gambader ailleurs. » Mais le temps passait et la joyeuse petite compagnie ne montrait aucune envie de partir. Soudain, un bruissement se fit entendre parmi les pousses de gingembre. Qu'était-ce donc ? Inquiet, Jung lança autour de lui un regard inquisiteur et il aperçut parmi les tiges un pelage fauve constellé de taches noires. Une panthère. Elle se glissait furtivement vers les petits gorilles, à coup sûr pour en manger un. Jung n'hésita pas un instant et bondit en criant « Sauvez-vous !» Ils se figèrent tous, puis se retournèrent lentement. Ils avaient entendu une voix de gorille. Mais qu'était donc cet étrange animal blanc ?« Sauvez-vous !» cria encore Jung d'un ton pressant. Les petits gorilles n'attendirent pas davantage et détalèrent jusque chez eux en criant. Tous, sauf la plus petite des petites filles, qui était tout bonnement pétrifiée de peur. La panthère n'était plus qu'à quelques pas d'elle et se préparait à bondir. C'est alors que Jung empoigna la panthère et la rejeta de toutes ses forces. Elle vola en l'air, heurta de la tête le tronc d'un énorme ficus et perdit connaissance. « Tu Tu y regarderas deux fois la prochaine fois, dit Jiang avec satisfaction. Puis il se retourna vers la petite fille effrayée et lui demanda d'une voix douce. « Comment t'appelles-tu ?»« Maki !» sanglota l'enfant. « C'est un joli nom, » dit Jiang en hochant la tête. « Bien, n'aie plus peur maintenant et cours toi aussi chez toi. » La petite fille gorille resta encore un instant à essuyer ses larmes. Finalement, elle sourit timidement, puis s'élança vers les autres. Qu'adviendra-t-il de moi maintenant, se désola Jiang. Ils vont tous apprendre mon existence et à coup sûr, ils voudront que je parte. Kamba se tut. Après ce long récit, elle avait la gorge complètement sèche. Grand-mère, dis-moi, que s'est-il passé ensuite ? Insista Moya. Qu'a dit la petite fille à la maison ? Et le gorille blanc, où est-il allé ? Et que s'est-il passé avec la panthère ? Je ne sais pas comment cela a tourné pour la panthère, continua Kamba. Mais toute la bande des gorilles se rendit auprès de Jiang. Maki, en courant, arriva la première vers lui. Et elle lui donna un gros bisou. Les adultes le remercièrent d'avoir sauvé leurs enfants. Et depuis ce jour, Jiang resta avec eux. Plus tard, il devint même le chef de la bande. Et tous les gorilles étaient très fiers que ce soit justement lui, le chef. Moya et le trou magique. Le soleil était déjà levé et Moya dormait toujours, blottie dans les bras de sa maman. Kijivu était réveillée, mais elle ne voulait pas réveiller Moya. Qu'elle en profite. Elle a besoin de force aujourd'hui, se dit-elle doucement, tout en regardant d'un air soucieux Moya et en la caressant tendrement. Papa Richard, Kamba et Shinda les rejoignirent. Tous s'assirent en silence et observèrent Moya qui dormait tranquillement sans savoir quel grand jour l'attendait. Au bout de quelques instants, Moya ouvrit un œil, puis un deuxième, et elle écarquilla finalement les deux en regardant sa famille. « Qu'y a-t-il ? Pourquoi êtes-vous tous assis ici ? Que se passe-t-il ? » demanda-t-elle stupéfaite. C'est Papa Richard qui se chargea des explications. Te souviens-tu quand je t'ai parlé du trou magique et du grand gorille ? Oui, répondit Moya mal assurée. Je t'ai alors dit que chaque enfant gorille doit une fois dans sa vie aller au trou magique, continua Richard. Puis il inspira profondément et ajouta. Eh bien, ce grand jour est venu pour toi. Avant que Moya n'ait eu le temps de se reprendre, ils l'assaillirent de conseils pour la route. En un instant, elle fut parée. Mais quel chemin dois-je donc prendre ? Demanda-t-elle. Il te suffit de marcher, Moya, répondit Kijivu, qui retenait ses larmes avec peine. Quand tu seras prête, le trou magique t'apparaîtra de lui-même. N'aie pas peur. Vas-y. Moya fit donc ses adieux et se mit en route à la recherche du trou magique. Elle avait la tête pleine du récit de son papa, des conseils de chacun et d'autres étranges pensées encore. Elle finit par avoir peur. Que se passera-t-il si je ne trouve pas le trou magique ? Et si j'ai été trop désobéissante et que le grand gorille dise au trou magique de m'avaler et que celui-ci m'avale ? C'est ce qui est arrivé à Saba. Tout à ses réflexions, elle marchait de plus en plus lentement. Elle ne voulait même plus trouver le trou magique. Elle en avait peur. Oui, Mais si chacun doit y pénétrer, le trou me trouvera de lui-même. Et le grand gorille pourrait alors me punir plus sévèrement encore que Saba. Moya n'en pouvait plus. Elle savait qu'elle devait chercher encore, mais d'un autre côté, elle avait terriblement peur. C'est alors qu'elle se souvint de l'histoire du gorille blanc que lui avait raconté sa grand-mère. Chang, lui aussi, était seul, et il n'a pas craint d'affronter une grande panthère. « Je serai comme Jang », pensa Moya, qui se remit en route courageusement. Sa peur l'avait quittée, et afin qu'elle ne revienne pas, elle marmonnait comme une formule magique. « Par tous les gorilles blancs, par tous les gorilles blancs, par tous les gorilles blancs !» Alors qu'elle se le répétait pour la 1001e fois, un coup de tonnerre se fit entendre. Et devant elle, surgit le trou magique. Moya en fut comme pétrifiée. Mais elle se souvint ensuite que Maman Kijivu lui avait conseillé de se pencher tout contre l'ouverture du trou et de dire son vœu. Elle hésita un bref instant. Sa peur revint de nouveau. Mais elle pensa vite au courage de Jang, s'inclina vers l'ouverture du trou magique et lança hardiment. Grand gorille, toi qui peux réaliser tous les vœux, donne un enfant à Tata Shinda, beaucoup de pastèques à papa, des paniers pour se balancer à maman et aussi quelque chose pour Kamba. Merci, merci, je te remercie. Avec soulagement, elle s'assit à côté du trou magique et commença en elle-même à refaire l'inventaire de ses vœux. J'ai fait un vœu pour papa, pour maman aussi. Je n'ai pas oublié Tata Shinda. Non, je ne l'ai pas oublié. Et j'ai aussi fait un vœu pour Kamba. Mais moi, je me suis oubliée. Aussitôt qu'elle s'en aperçut, elle s'approcha de nouveau du trou magique. Oui, mais quoi ? Pensa-t-elle déconcertée. Quel vœu faire ? À cet instant, le grand gorille lui-même se fit entendre. Pas la peine que tu te casses la tête pour trouver un vœu, Moya. Je sais bien ce que tu désires. Et parce que tu as été gentille et que tu n'as pas fait de vœux seulement pour toi, mais aussi pour les autres, je vais t'envoyer bientôt ce qui te manque le plus. Un copain. De surprise, Moya resta sans piper mot. Le grand gorille en personne lui avait parlé. Elle resta d'abord assise sans bouger à écouter, et c'est seulement un peu après qu'elle commença à réaliser ce qu'avait dit le grand gorille. Un copain ! Un copain ! Un copain ! Youpi ! Je vais avoir un véritable camarade ! Elle sauta de joie et pleine de bonheur. Née de cette nouvelle soudaine, elle enchaîna les pirouettes jusqu'à la maison. La surprise. À la maison, tous attendaient en silence le retour de Moya. Kijivu semblait être prête à fondre en larmes d'un moment à l'autre. Richard donnait des coups de poing dans un gros tronc avec une telle force qu'il en faisait voler des petits morceaux. Et Kamba avait l'air soucieuse. Seul Shinda avait un air insondable, peut-être un peu sournois. « Je vais avoir un copain !» entendirent-ils soudain la voix joyeuse de Moya. Ils étaient tous soulagés que leur petite fille rentre saine et sauve. Mais la voilà déjà qui leur racontait à toute allure ce qui lui était arrivé au trou magique. Et elle n'arrêtait pas de répéter que le grand gorille lui avait promis un copain. Ce à quoi elle ajoutait toujours « Mais d'où viendra ce copain ?» ou bien « J'ai hâte de jouer avec lui !» Quand elle lui dit pour la dixième fois au moins, Kiji vous consulta les autres du regard, puis arrêta ses yeux sur Richard. « Eh bien, qui veut faire l'annonce solennelle à Moya ?» Mais Richard ne voulait pas remarquer son regard. Shinda, elle, faisait comme si elle n'était pas concernée. Et Kamba se contentait de faire des signes de tête à Kijivu pour lui signifier que c'était à elle de parler. « Bon, eh bien Moya, » continua Kijivu, « le grand gorille a raison. Dans notre maison des gorilles va se produire un événement très important. Un événement tellement important qu'il n'y en a eu de tel qu'une seule fois jusqu'à maintenant. Tu vois certainement de quoi je veux parler ?» Kijivu sentit qu'elle s'embrouillait dans son histoire et elle préféra en venir directement aux faits. En bref, Moya, bientôt, tu ne seras plus ici la seule enfant. Elle attira doucement Moya vers elle et lui fit poser sa main sur son ventre gonflé. Tu sens comme il donne des coups de pied? Et comme il bouge? Ton frère ou ta sœur m'en fait voir, dit-elle en souriant fièrement. Moya la regarda ahurie. C'est donc lui, cet ami. Maman va avoir un bébé. Tous observaient Moya avec inquiétude et attendaient ce qu'elle allait dire. Finalement, elle lâcha. Elle resta un instant silencieuse, puis elle ajouta avec hésitation. Ma petite sœur pourrait s'appeler Maki? Mais on ne sait pas encore si ce sera un garçon ou une fille. Sourit Kijivu. Ah ah ! Lâcha de nouveau Moya. Mais Kamba intervint. Laissez-la ! C'est une telle surprise ! Il faut lui laisser le temps de réaliser. Tout le reste de la journée, Moya resta troublée. Elle avait complètement oublié sa joie autour du trou magique et restait assise dans son coin à réfléchir intensément. Le soir, quand elle s'installa sur sa couche, maman Kijivu vint la voir. Elle la caressa et lui demanda à voix basse. « Tu n'es pas contente ?»« Si !» répondit Moya. Mais le ton n'était guère convaincant. Elle ajouta tristement. « Kamba ne me racontera plus d'histoires. »« Mais si, elle t'en racontera !» la réconforta Kijivu. « Mais tu ne seras plus seule à les écouter. »« Et papa et toi, vous jouerez avec moi encore moins que maintenant, » continua Moya. « Il est vrai que je vais avoir un peu moins de temps à te consacrer, » concéda Kijivu. « Mais en échange, tu auras un copain ou une copine. »« C'est justement ce que tu voulais. »« J'ai bien assez de copains, » dit Moya d'un air buté. Les canards, par exemple, et aussi les fourmis, et elles sont plus de 50 000. C'est vrai, seulement les canards ne sont ici qu'une fois ou deux par an. Mais les fourmis sont chouettes, dit Moya boudeuse. Je sais, dit Kijivu en souriant, mais je n'arrive vraiment pas à me souvenir du nom de chacune. Moya réfléchit un instant à ce que sa maman venait de dire. Puis elle se mit aussi à sourire. Kijivu la caressa de nouveau. « Moya, » dit-elle redevenue sérieuse, « je vais avoir besoin que tu m'aides avec le bébé. Tu es déjà grande et tu me seras d'un grand secours. Vraiment ?» demanda Moya. « Bien sûr, » répliqua Kijivu en lui donnant un baiser pour lui souhaiter une bonne nuit. Dors maintenant. Fais de beaux rêves. Et Moya fit vraiment de beaux rêves, dans lesquels elle s'occupait de son nouvel ami et jouait avec lui. Et elle ne fit pas ce rêve cette nuit-là seulement, mais aussi la nuit suivante, et encore la nuit d'après, et celle d'encore après. Et quand elle se réveilla, après cette quatrième nuit, Une grande surprise l'attendait. Pendant que Moya dormait, sa maman avait donné naissance à un bébé gorille. Moya le regarda avec ravissement. Il était tout plissé et tout fragile. Et quand elle vit que personne ne faisait attention à elle, elle le toucha avec précaution et se présenta d'une voix toute douce. « Salut, je suis ta grande sœur. Je m'appelle Moya et je suis très, très, très heureuse que tu sois là. »